Dans une petite auberge, près de la plage, le déjeuner fut charmant. L'océan, engourdissant la voix et la pensée, les avait rendus silencieux. La table les fit bavards, et bavards comme des écoliers en vacances. Les choses les plus simples leur donnaient d'interminables gaietés. Le père Lastic, en se mettant à table, cacha soigneusement dans son béret sa pipe qui fumait encore, et l'on rit. Une mouche, attirée sans doute par son nez rouge, s'en vint à plusieurs reprises se poser dessus, et, lorsqu'il l'avait chassée d'un coup de main trop lent pour la saisir, elle allait se poster sur un rideau de mousseline que beaucoup de ses sœurs avaient déjà maculé. Elle semblait guetter avidement le pif enluminé du matelot, car elle reprenait aussitôt son vol pour revenir s'y installer. À chaque voyage de l'insecte, un rire fou jaillissait, et, lorsque le vieux, ennuyé par ce chatouillement, murmura « Elle est bougrement obstinée !» Jeanne et le vicomte se mirent à pleurer de gaieté, se tordant, étouffant, la serviette sur la bouche pour ne pas crier. Lorsqu'on eut pris le café, « Si nous allions nous promener, » dit Jeanne, le vicomte se leva, mais le baron préférait faire son lézard au soleil sur le galet. « Allez-vous-en, mes enfants, vous me retrouverez ici dans une heure. » Ils traversèrent en ligne droite les quelques chaumières du pays, et, après avoir dépassé un petit château qui ressemblait à une grande ferme, ils se trouvèrent dans une vallée découverte, allongée devant eux. Le mouvement de la mer les avait alanguis, troublant leur équilibre ordinaire. Le grand air salin les avait affamés, puis le déjeuner les avait étourdis, et la gaieté les avait énervés. Ils se sentaient maintenant un peu fous, avec des envies de courir éperdument dans les champs. Jeanne entendait bourdonner ses oreilles, toutes remuées par des sensations nouvelles et rapides. Un soleil dévorant tombait sur eux. Des deux côtés de la route, les récoltes mûres se penchaient, pliées sous la chaleur. Les sauterelles s'égosillaient, nombreuses, comme les brins d'herbe, jetant partout, dans les blés, dans les seigles, dans les joncs marins des côtes, leurs cris maigres et assourdissants. Aucune autre voix ne montait, sous le ciel torride, d'un bleu miroitant et jauni, comme s'il allait tout d'un coup devenir rouge, à la façon des métaux trop rapprochés d'un brasier. Ayant aperçu un petit bois, plus loin, à droite, ils y allèrent. Encaissés entre deux talus, une allée droite s'avançait, sous de grands arbres impénétrables au soleil. Une espèce de fraîcheur moisie les saisit en entrant. Cette humidité qui fait frissonner la peau et pénètre dans les poumons. L'herbe avait disparu, faute de jour et d'air libre, mais une mousse cachait le sol. Ils avançaient. « Tiens, là-bas, nous pourrions nous asseoir un peu, » dit-elle. Deux vieux arbres étaient morts, et, profitant du trou fait dans la verdure, une averse de lumière tombait là, chauffait la terre, avait réveillé des germes de gazon, de pissenlits et de lianes, fait éclore des petites fleurs blanches, fines comme un brouillard, et des digitales, pareilles à des fusées. Des papillons, des abeilles, des frelons trapus, des cousins démesurés qui ressemblaient à des squelettes de mouches, 1000 insectes volants, des bêtes à bon Dieu, roses et tachetées, des bêtes d'enfer, aux reflets verdâtres, d'autres noires avec des cornes, peuplaient ce puits lumineux et chaud, creusé dans l'ombre glacée des lourds feuillages.